Vous vouliez brûler, alors brûlez. Avril, la canicule. La manifestation avait convergé en direction de Griffintown vers midi. Le mercure dépassait déjà les 40 degrés, peu après le lever du soleil. La boule de feu à son zénith, aveuglante, sans merci. Maintenant, le macadam bouillonnait, envoyant des volutes embrouillées dans l'air fétide de la pointe. L'humidité frôlait les 100%, suffocante. L'odeur d'asphalte chaude s'ajoutait aux effluves d'ordures et d'égouts à ciel ouvert. À travers les ondulations ultraviolettes, on pouvait apercevoir la silhouette d'une demi-douzaine d'hélicoptères blindés, immobiles dans le ciel stagnant, comme autant de clous enfoncés dans le firmament de la métropole. La mare humaine fourmillait au-dessous, s'étirant, multicolore, à travers un labyrinthe d'édifices gris et beige. Passé Griffintown, s'ouvrait le quartier des affaires, puis l'archéologie. Mais le périmètre de sécurité avait été érigé 3 rues avant, avec ses clôtures en titane ornées de barbelés effilés, comme des rasoirs, surveillées de haut par une série de tourelles automatisées. De toute évidence, la manifestation ne se rendrait même pas là. La clameur déchirante en était témoin, faisant écho sur les surfaces cristallines des gratte-ciels non loin, entrecoupées par le tonnerre des grenades sonores. Les nuages de lacrymaux s'élevaient. Il n'y avait pas de vent pour les dissiper. Quelque part sous son couvert, on pouvait deviner les pions du jeu d'échecs à l'avant-front, avec leurs bâtons télescopiques, boucliers balistiques et lances électrifiées. « Aïe, aïe, aïe !» ricana Svet, scrutant à travers les jumelles. « Il se disperse. C'était rapide. » Elle portait toujours un masque. Aujourd'hui, c'était un bandana noir, des goggles verdâtres comme les yeux globuleux d'une mouche en attente sur son front. Prête pour la guerre, les pointes de son mohawk étaient dressées comme une cironde sur son crâne rasé. Le bowie pendait toujours à sa taille. « Repli stratégique !» soupira Hans, balayant la sueur de ses yeux boursouflés. « C'est parfait. Les fachos vont suivre l'odeur du sang jusqu'ici. » Comme en 47. Ils peuvent pas s'en empêcher. Et pendant qu'ils amènent l'artillerie lourde, la manif va se regrouper. Hans restait affaissé contre la tapisserie fleurie de l'appartement abandonné. Masque à gaz autour du cou. Une camisole jaunie collante sur sa peau. Instinctivement, il jeta un regard inquiet sur l'équipement empilé tout près. Les caisses de bombes incendiaires, les bonbonnes de propane, les feux d'artifice, les fusées de signalement. « Hostie de flic !» tonna Nilsson, accolé à la fenêtre à côté de Svet. Stoïque, l'albinos portait un t-shirt rongé par les mites sur lequel brillait l'étoile du chaos. La sueur perlait sur les sillons musclés de ses bras. Sous la visière relevée d'un casque de soudeur, elle scrutait l'horizon. Le trio s'était planqué au 8e étage d'un complexe d'habitation condamné, rue Notre-Dame. C'était un emplacement de choix sur l'artère centrale, où la flicaille avait les meilleures chances de s'engager. Sans détourner les yeux des jumelles, Svet demanda discrètement. « Hé, dis donc, l'ADS, ça fait si mal qu'on raconte? » Hans grinça des dents. Svet voulait parler du canon électromagnétique du Behemoth. ADS. Active Denial System. C'est comme si t'étais aspergé de gaz, répondit-il, et qu'on te lançait une allumette entre les deux yeux. Alors oui, pendant quelques secondes. Pouf! Marmonna Svet en haussant les épaules. Comme si ça pouvait être pire qu'aujourd'hui. Shit! Si ça se trouve, ça va être rafraîchissant. Hans prit une gorgée d'eau tiède de sa gourde. Il réalisa que ses mains tremblaient. Tout se précipitait. Trop tard. Déjà, les cris des manifestants se distinguaient alors que la foule fuyait, reculait dans Griffintown. Il faisait si chaud. « Allez, les fachos !» grommela Svet. Amenez-le, votre joujou. » Peu à peu, la procession se rapprochait de leur position. Les drapeaux de fortune déambulaient, des tissus noirs, sales et déchirés, agrafés à des planches de bois ou des manches à balai. Plusieurs manifestants étaient torse nus ou en sandales. Tous portaient foulards, casquettes ou cagoules. Ils étaient des dizaines de milliers à fuir, tituber, se retourner, lancer des pierres, hurler. Certains boitaient, d'autres étaient couverts de sang et quelques-uns chutaient pour être immédiatement secourus par leurs camarades. Là, une bannière affichant 2 degrés d'enfer, une autre montrant un A encerclé, suivi du mot « maintenant ». Plus loin, une pancarte avec la photo d'un jeune abattu la veille dans une ruelle, sa dépouille ensanglantée, face contre terre dans une mare de sang noir. 2 balles dans le cœur, 1 dans la tête. « Ils ont sorti le behemoth !» confirma Nielsen en rabaissant sa visière en fonte. « Et ils s'en viennent par ici, comme prévu !» Plus bas, les manifestants se ralliaient en groupes d'affinités, toutes les échelles de la masse s'organisant comme des fractales de révolte. Les blessés étaient évacués, de nouveaux détachements convergeaient. Les fourmis noires allaient à la besogne d'une rapidité fulgurante. On retournait les voitures, lançait les poubelles, battait le pavé à coups de marteau pour détacher des morceaux à lancer. Des paniers d'épicerie circulaient à toute vitesse. Certains remplis de bouteilles d'eau, de sandwichs, d'autres croulant de morceaux d'équipement pêle-mêle, boucliers en tôle, plastique corrugué, portes en bois tronçonnées. Puis, l'arsenal. Batte de baseball, machette, planche de bois, tuyaux de plomberie. Sur le boulevard Georges-Vanier, une barricade de pneus, 4 de haut, était érigée, inondée de gasoline et allumée. Une écœurante colonne de fumée s'élevait dans le ciel. Un symbole visible depuis l'arcologie. Un message. « Ça commence !» nota Nielsen, s'étirant les muscles nonchalamment. Svet sautillait sur place, trépidante. Sans plus attendre, elle dégaina son bowie, la lame ternie par l'usage, et, d'un geste exagéré, trancha une corde à moitié pourrie, tendue depuis le balcon. Instantanément, 2 grandes bannières se déroulèrent sur la façade du 8e étage. Sur la première, on lisait « Bienvenue à la fin du monde ». Sur la 2e, « Vous vouliez brûler? Alors brûlez !»